Ici à Réanimation, lorsque nous terminons la rétrospective de l'année qui vient de se terminer, nous avons très souvent la même réflexion, qui est celle-ci. Finalement, l'année dernière était somme toute assez moyenne. Mais nous avons cette réflexion année après année. Il doit bien y avoir une raison. Et oui, il y a une raison. C'est que le cerveau enregistre et garde en mémoire beaucoup plus facilement et longtemps les choses plus déplaisantes ou voire négatives, alors que le positif tant qu'à lui est en mémoire de façon beaucoup plus éphémère, parce que moins marquant. Ce questionnement et explication répondent également à ceci. Tout ce qu'il me reste en mémoire de Sinistros et sa maladresse, sa désobéissance et son jugement douteux de gobelin pestilentiel. Et vous pourriez me dire, « Docteur, fais un effort pour te rappeler les bons côtés de Sinistros. » Mais c'est impossible, il n'y en a pas. Je vais donc encore une fois considérer, comme expliqué précédemment, que Sinistros fait très bien mal les choses. Aucune chose mal est un Sinistros. Anyway, voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et sa chose, pardon, son assistant. Surtout lorsque chose demande au docteur et doc, nous n'avions pas quelque chose à faire. Et que le docteur répond, non, pas à faire, à défaire Sinistros. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead incorporated, cause we said so. Conclusion, Retro-Undead. Go. Cela peut causer des hallucinations bizarres, en général suivies par des convulsions. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. En ce 22 janvier de l'an de disgrâce 2019, je suis Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h en compagnie de cette indissociable comparse qui est Sinistros. Mais quoi? Que de problèmes. Non. Ben, ça, c'est pas si pire. Ça arrive, écoute. Ben, ouais, on s'excuse parce que, voyez-vous, ce premier bloc qui devait être constitué de ce que vous avez entendu, Abysmal Torment. Ben, vous avez entendu au moins une pièce. Ben oui, la pièce de Misanthrope, qui est la pièce titre de cet album, le quatrième paru le 21 septembre dernier sur Willow Tip, une formation qui vient de Malte, plus précisément de Birkirkara. Voilà, une formation de death metal, vous l'auriez probablement deviné. Et nous devions, dans ce bloc de cette conclusion de la Retro Undead, de vous deux titres fort importants, puisque c'était des choix qui étaient collectifs entre Sinistros et moi, soit Anal Nathrak d'Angleterre, ainsi que Behemoth de Pologne, qui est mon numéro 2 au top 10 cette année. Mais malheureusement, on a un problème parce que les blocs qu'on vous fait jouer à Réanimation sont tous prémixés par Sinistros et par moi. Mais là, on a un problème. Il semble qu'il y ait eu une corruption quelconque. C'est là qu'on parlait de défaire en début de... Ouais, ben voilà, c'est carrément le cas. On a complètement défait. Je ne peux que m'excuser. Désolé. On va devoir au moins faire la nomenclature de ce qui aurait été la pièce de Anal Nathrak, qui était un choix commun de Sinistros et moi pour cette année, l'année dernière 2018, soit Mother of Satan, qui est tiré de cet excellent album, A New Kind of Horror, qui est paru le 28 septembre dernier. Album fort différent de ce qu'ils ont fait un peu avant, là. Oui, ben, tout aussi intense, mais beaucoup plus mélodique et beaucoup plus industriel qu'auparavant. Ben, définitivement. Et moi, il m'a beaucoup plu. Par contre, je dois dire que je l'ai mis dans mon quatrième choix de mon top 10 mentions. Pas parce qu'il méritait pas plus, non. Mais j'avais tellement de... Ah, celui-là. Ah, celui-là. Ah, lui, ah, j'aime plus lui. Ah, mais finalement, toi, tu fais des top 3 pour ça. Oh, ben, j'aime mieux faire des top 3, c'est plus court faire des top 600, là, évidemment. Et la pièce de Behemoth, qui était... en fait, Behemoth est encore un choix commun de Sinistros et moi, qui est mon numéro 2 au top 10 de cette année. C'était la pièce Sabbath Matter, qu'on retrouve sur ce 11e album, et vraiment excellent. Ben, pour ma part, c'est le meilleur album de Behemoth, mais je dis bien pour ma part à moi. Là. Ben, je te dirais que je serais pas loin de dire comme toi, honnêtement. L'album qui porte le nom de I Love You At Your Darkest, qui est paru le 5 octobre dernier sur Mystic Production. Nous sommes désolés. Nous allons tenter de nous reprendre avec... je vais même faire un test immédiatement. Oui, ça devrait marcher. Ça, c'est Nistro, ça. Le prochain bloc est un bloc qui est, je dirais... Bon, il y a 50% de Sinistro, il y a 50% de moi, et le dernier tiers est un 100% de nous deux. Oui, c'est ça. Ben voilà. Parce que Sinistro, je te laisse annoncer la première pièce. Ben, j'ai choisi, c'est peut-être pas 100% métal, mais on en fait jouer souvent à réanimation. Il y a un côté très stoner, très doom, très dark, très psychédélique, très dark aussi. Oui. Uncle Acid and the Dead Beats avec son nouvel album qui s'intitule Wasteland. Ben, encore une fois, qu'on frappait dans le mille. C'est un excellent album. On va entendre la pièce Blood Runner. Ben, c'est paru sur Rise Above au mois de octobre 12, plus précisément. Exact. On va poursuivre avec la formation brésilienne Soulfly, avec un 11e album, Ritual, qui, pour moi, a été fort surprenant. J'ai vraiment aimé beaucoup l'approche musicale que Cavalera et ses compères sont faites avec cet album Ritual. Et d'ailleurs, j'étais surpris parce que j'étais en train j'étais pas en train, je me promène en calèche, c'est vrai. Mais je faisais le week-end dernier, je commençais à rentrer sur le site de Rock Classic les top 2018 du Rockmaster. Et dans son top métal, son top 25 métal, je voyais qu'il y avait justement Soulfly. J'ai dit, wow, généralement, je sais que Alain, c'est pas nécessairement son genre de musique, mais je crois qu'il l'a bien apprécié parce qu'il est très bien fait, l'album. Et on va conclure avec un choix collectif. Eh oui, Bloodbath. Absolument. Avec l'album The Arrow of Satan, qui est paru le 26 octobre. On va entendre la pièce Only the Dead Survive, qui est encore un excellent album de la part très bon. De Bloodbath, et surtout deuxième album avec, j'oublie son nom, au vocal... le chanteur de Paradise Lost. Oui. Il fait une excellente job. Oui, tout à fait. Côté beaucoup plus dark des côtés. Oui. Plus rough, plus agréable. Plus rough, c'est ça. Plus, je dirais, abrasif qu'avec Paradise Lost. C'est vraiment très bien. Bloodbath, qui est mon numéro 5 à mon top 10 de cette année. Donc, allons-y tout de suite avec Uncle Acid and Dead Beat. Let's go. quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard, mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. Vous êtes un groupe de musiciens? Vous voulez monter sur les planches et remporter les plus grands honneurs? C'est votre chance! Le plus grand concours amateur en Mauricie, les Mardis de la Relève, est en pleine campagne d'inscription pour sa 22e édition. Plus de 10 000 $ en prix à gagner, dont des sessions d'enregistrement studio et la diffusion de chansons à la radio sur les ondes de CIFOU. Pour information, rendez-vous à l'adresse gambrinus.qc.ca où vous retrouverez aussi le formulaire d'inscription. La date limite est le 10 février. Faites vite, le nombre de places est limité. Les Mardis de la Relève, une invitation de production Joshua en collaboration avec CIFOU 89.1. Attention, cette annonce peut provoquer chez vous une envie irrésistible de vivre des moments dramatiques, drôles et remplis de fantaisie. Le jeudi 21 février 2019 se déroulera au 10-12 du pavillon de la vie étudiante le match entre la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières et l'Impro Sierra, mettant notamment en vedette Pierre-Luc Foch. Au coût de 15 $ pour les étudiants et de 20 $ au prix régulier, en vente sur le site lepointdevente.com. The Rock. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Yeah, right, 19h34. It's a miracle d'avoir un bloc complet. Oui, et on s'est entendu que deux blocs est rendu 19h34, puis on a juste deux blocs de passé. Oui. Ouais, ben, on aura quand même économisé avec tout ça, je te dirais, un peu plus de 8 minutes. Ben oui, mais vous allez être obligé de nous entendre placoter et dire des insanités en ondes. Ben moi, je suis certain qu'il y a 50% de nos auditeurs, soit un, qui est là juste pour ça. Donc, il y a un demi-auditeur qui va avoir des insanités. On vient d'entendre un choix commun à Sinistros et moi en Bloodbath et leur cinquième album en carrière, soit The Arrow of Satan is Drowned, qui est paru le 26 octobre dernier sur Peaceville. La pièce étant Only the Dead Survive. Très bon death metal. Peut-être que notre demi-auditeur va se poser la question, et pourquoi Bloodbath n'a pas tant d'albums que ça depuis 2000? Parce que c'est un side project. Ben oui, évidemment. Parce que à l'origine, Bloodbath a été un peu instigé par Mark Akerfeld et Jonas Rinksey, effectivement, qui est toujours là d'ailleurs. Ouais. Mais c'était pour s'amuser. Hein. Mm-hmm. Mais malheureusement, pour eux ou heureusement pour nous, ça a eu du succès. Oh, oui. Donc, bon, peu à peu, ils ont dû continuer à réenregistrer. Akerfeld a dit, moi, écoutez, je me consacre à Opeth. Et c'est là qu'ils sont allés chercher Nick Holmes. Ben, ils sont allés chercher Peter Tadgren avant. C'est vrai. Peter Tadgren. Tadgren. Oui, voilà. Alors, Michael Akerfeld est revenu après Tadgren. Oui, et après ça, ben là, on a Nick Holmes maintenant. Ben, moi, je trouve que Nick Holmes est très bon. Juste avant, mon choix, numéro 6 dans mon top 10, Soulfly du Brésil. Et la pièce titre de cet album, Ritual, qui est paru, le 11e qui est paru le 19 octobre dernier. Sur Nuclear Blast et en ouverture de bloc, ben c'était le choix de Sinistros. On s'entend-tu que c'était une bonne petite tune sur le fly, ça? Hein? Oui, oui, Sinistros. Continue, un vrai petit Claude Brancard. Uncle Acid and the Dead Beats avec la pièce Blood Runner. Ben, c'est paru sur le nouvel album qui s'intitule Wasteland. C'est paru le 12 octobre sur Rise Above. Rise Above, qui est un très bon label pour les amateurs de Doom et de Stoner. Ouais, du Sludge aussi. Ouais, Sludge aussi. Ouais, ouais. Moi, ce que j'aime bien chez Uncle Acid, en fait, je vais être franc avec toi, je pourrais pas écouter ça une soirée de temps. Ben, t'écoutes pas 5 albums un arrière de l'autre parce que tu finis par. Ben, c'est un peu redondant à un certain moment donné, mais pardon, ce que j'aime du groupe, c'est que c'est très sloppy, très fuzzy. Oh, oh, oh. C'est comme Easy Way, puis c'est purement... Ben, on c'est mêle aux trips. C'est, ah, oui, c'est ça, c'est des trips sur la table. Ouais, c'est... Moi, j'aime beaucoup les trips sur la table. Mm. Avec des oignons, c'est excellent. Oh, oui. 19h37, le prochain bloc, ben, c'est le même principe que le précédent, c'est-à-dire 50% Sinistros, 50% moi, et un 100% commun, n'est-ce pas? T'as parlé. J'ai le 100% commun, il est quelque chose. Ah, ben oui, d'ailleurs, on va avoir une petite nouvelle. Ben, je pense qu'on a un bloc 100% quelque chose. Ben écoute, je crois que oui, honnêtement. Parce que on va ouvrir ce bloc avec un de mes choix qui s'avère être dans. Mais en fait, je pourrais même pas vous assurer. Je vais vérifier honnêtement là. J'ai un certain doute là sur. Oui, effectivement, c'est bien ça. C'est le numéro 2 de mon top 10 mentions. Il s'agit des Floridiens de Hate Eternal. Hate Eternal. Oui, chapeau éternel, voilà. une formation de brutal death metal très, je dirais, in your face, avec très peu de finesse, mais tellement efficace. Très peu de finesse. Oui, ça. On y va avec la roue pas fromage. Oh, bon, puis c'est le rabot là carrément. Avec une pièce tirée de leur dernier album, Upon Desolate Sands, qui est paru le 26 octobre dernier, leur 7e, soit Vengeance Striget. La pièce suivante est un choix de sinistro. Eh bien oui, vous savez que l'Italie est un bassin métallique assez prolifique. Depuis, je te dirais, 6-7 dernières années, là, ben, je te dirais que stock incroyable. Tu sais, dans les années 70, l'Italie était un bassin très fort dans le progressif. Ouais. Eh bien, c'est propagé au métal au tournant des années 2000. Beaucoup au death metal. Oui, death, mais beaucoup progressif. On parle des groupes comme Hour of Penance, des groupes comme Flesh God Apocalypse. Quoi que l'autre, c'est Malte, là, mais bon. Ouais. Flesh God Apocalypse, ouais. AD, t'en as un bon paquet. Mm-hmm. On a Sadist aussi. Sadist, ouais, qui est un groupe de cette même veine. Qui ont un nouvel album, c'est intitulé Spellbound, album que j'ai beaucoup aimé. Très bien. Autant que le précédent. On va entendre la pièce Spellbound, c'est paru sur Scarlet Records, qui est le label du chanteur lui-même. Ah ils oui? Ils ont un label, puis okay, ils produisent des groupes comme ça, puis ils m'envoient des CD de temps en temps, c'est vraiment cool. Ils te demandent-tu de s'y remettre après? Ben oui. Ah ben évidemment, ils étaient prêts. C'est pour ça que je les passe pas à la radio. On va conclure, en fait, c'est pas la conclusion de la Retro Undead, il reste encore un bloc, mais on va conclure ce bloc-là avec... avec un groupe qui nous a franchement surpris cette année, oui, tant dans leur musique que dans leur hyper générosité. Tout à fait. Tout à fait. Tu l'as très bien dit, Sinistros. On parle ici de Monolith Death Cult et leur 7e album, Vito Vergerling, Down to the Planet of Ashes, qui est paru le 15 novembre dernier sur Human Detonator, qui est leur propre label, mm-hmm, à eux. Comme vous le savez, on l'a présenté déjà il y a quelques semaines, voire peut-être plus d'un mois ou deux. Je sais plus exactement. J'avais pris un guest, j'avais écrit directement en partant du site web officiel du band à Michael Decker pour lui demander est-ce que tu accepterais de faire un ID pour l'émission de radio. On a une émission de radio ici au Québec depuis 18 ans, Metal. Mon comparse et moi, on est des amateurs invétérés de votre groupe, blablabla. Et le lendemain matin, l'ID était dans la boîte de courriel. Et de fil en aiguille, j'ai été quand même en certaine correspondance avec lui, très très sympathique. Et on va avoir une entrevue avec eux. Ben, c'est un gros hint qu'on vous annonce ici. Même s'il n'y a personne qui connaît de Monolith Del Cult, on va avoir une entrevue avec eux autres. Avec un groupe extrêmement généreux, comme tu l'as dit, très professionnel. Ils nous ont même envoyé des stickers. Oh, ouais, c'est vraiment cool. Ils m'ont même envoyé un album. Écoute, c'est merveilleux. Une entrevue qui, vous comprendrez, étant un groupe hollandais avec 6 heures de décalage, l'entrevue peut pas être faite en direct. Donc, oh, t'es bien plat. Ben, c'est parce que je pense pas que ça lui tente de se réveiller. Non, c'était à toi heures faire, du matin. C'était à toi à faire ça. Ouais, puis moi, ça me le tente encore moins. Non, en fait, la façon que ça a été fait, c'est que j'ai posé des questions. C'était enregistré en forme d'MP3. Ils ont répondu en forme d'MP3. Fait que j'aimerais juste à éditer tout ça. Théoriquement, on devrait pouvoir le présenter mardi prochain. Essaye de pas trop mélanger les questions, hein? Ben, c'est pas les questions, je vais mélanger, c'est les mots. Les réponses, les mots. Les mots. Donc, Demolish That Cult, et c'est mon top 1. C'est mon numéro 1 de mon top 10 de cette année. On va entendre une pièce qui est commune. C'est un album commun, Sinistros et moi. On va entendre la pièce Down to the Planet of the Ashes. Of Ashes, pardon, qui est la pièce de cet album. Tout de suite, allons-y avec Hate Eternal. Et puis, si vous avez les oreilles très sensibles, c'est définitivement pas pour vous autres. Effectivement. Let's go. Hey, this is Robin from the Monolith Death Cult, and you're listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM. Hail Satan. giant vanishes. It is unknown to science what happens after it perishes. Does it become one with its surroundings after death? Wow! Oh yeah! Oh que ça, ça fait mal! The Monolith Death Cult de Hollande, Kempen en Hollande, et la pièce titre de cet album, Down to the Planet of Ashes, Vito Vergelding, dans la trilogie des vies, puisque le premier était paru en 2017, effectivement. Il y en a un nouveau qui s'en vient en 2019. Oui, tout à fait. C'est paru le 15 novembre dernier, leur 7e album sur Human Detonator. Et comme on vous disait tout à l'heure, eh bien, si j'ai temps de faire toute l'édition de la chose, on devrait pouvoir vous présenter l'entrevue que j'ai fait avec The Monolith Death Cult la semaine prochaine, soit le 5, ça? 28, c'est ça, effectivement. Juste avant, nous avions un choix de Sinistros. Et oui, les Italiens de Sadist avec la pièce, titre de l'album Spellbound. C'est paru en 2018, bien sûr. Ouais. Ben oui, le 9 novembre, plus précisément sur Scarlet Records. Ouais, c'est bien ça aussi. Ça c'est-tu, Sinistros, faut que je te fasse une confidence. Ben, vas-y. T'es pas si pire que ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que quand j'ai fait mon choix pour la Retro Undead, je me suis rendu compte que peut-être que... Tu connaissais pas ça pas à toi. Ben ça, je sais, je connais pas ça. J'ai pris des choix au hasard, moi. J'ai marqué des noms sur des papiers. J'ai choisi dans ça, le chapeau. Ah, non. Numéro 1. Je l'ai pas écouté, mais c'est pas grave. Fait que c'est peut-être pour ça que t'es passé à côté d'un paquet de bons choix qui étaient les miens. Non, je suis passé à côté parce que je voulais te les laisser et t'es ridiculisé tout seul. Mais je me suis dit peut-être que dans le fond, j'aurais peut-être pu faire un top 30 facilement. Mais oui. T'sais. Mais. Ça non, moi, je veux pas. Tu peins de côté. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça a plus de fin. Là, pis t'sais, non, mais moi, je trouve ça le fun de faire ça. Ben oui, moi je trouve que ça me laisserait trop de chance de changer d'idée trop souvent. Parce que toi, ce que tu ferais, c'est que tu les mettrais toutes au numéro 1. Peut-être. Les 30. Ben ouais, ben vous pas de chicane. Dans 30, il y en a rien qu'un. Nouvelle le bloc avec The Florida Eight Eternal et la pièce Vengeance Tricath qui est tirée de leur 7e album Upon Desolate Sands qui est paru le 26 octobre sur Season of Mist. Bon, honnêtement, c'est pas mon préféré de Hate Eternal. Le mien, mon préféré est encore Fury and Flames. Par contre, c'est un bon album très ravageur dans le genre death metal, bien caustique comme je les aime. On va conclure après la pause publicitaire cette Retro Undead avec les deux derniers choix de vos humbles serviteurs tout de suite après cette pause. Vous êtes un groupe de musiciens? Vous voulez monter sur les planches et remporter les plus grands honneurs? C'est votre chance! Le plus grand concours amateur en Mauricie, les Mardis de la Relève, est en pleine campagne d'inscription pour sa 22e édition. Plus de 10 000 $ en prix à gagner, dont des sessions d'enregistrement studio et la diffusion de chansons à la radio sur les ondes de Sifu. Pour information, rendez-vous à l'adresse gambrinus.qc.ca où vous retrouverez aussi le formulaire d'inscription. La date limite est le 10 février. Faites vite, le nombre de places est limité. Les Mardis de la Relève, une invitation de production Joshua en collaboration avec Sifu 89.1. Nouveauté chez Slam Disc, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot, le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des passes élevées. Octoplot, disponible maintenant partout, édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Production Joshua est fière de vous inviter à la soirée de lancement des gagnants des Mardis de la Relève 2018 avec le groupe Oaks Above. L'événement se déroulera au Gambrinus le mardi 5 février prochain à 21h au coût de 5 $ d'entrée, bière artisanale incluse. La pièce musicale accompagnant cette pub est une gracieuseté de Oaks Above et leur chanson December. Fou de palmarès. 89.1. Minute et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de Cifou 89 FM. Avec Sinistro, c'est moi-même. Metallica. Non, il n'y en a pas ce soir. Non. Il n'y en a pas ce soir. Par contre, à l'instant même, nous allons faire la conclusion de la Retro Undead 2018. Maman, c'est fini! Ben, ça fait quand même 2 émissions et... Et demi, presque trois. Oui, effectivement. Puis à un moment donné, ben, toute bonne chose doit se terminer. Toute mauvaise chose doit... Mais finir. Non, ça arrive pas, ça, c'est une histoire. Des mauvaises choses durent tout le temps. Ouais. Regarde, ça fait 18 ans qu'on est là. C'est un plaisir. Et voilà. Eh bien... 19e année cette année, d'ailleurs. Oui, on commence la 19e, oui. C'est-tu le fun? Hein? Ben, moyen. On est majeur depuis un an, c'est le fun? Ben, on n'est pas vacciné. Non, surtout pas. Non, surtout pas toi. Non, absolument pas. Non. Eh bien, on va terminer avec la formation japonaise Sai et l'excellent album Air to Despair qui est paru le 16 novembre de la dernière année, bien sûr. Exactement. On va entendre une des pièces de l'album qui s'intitule Homo Homini Lupus. C'est sûr et certain que ça, c'est pas un band qui est pour tout le monde. C'est très hermétique. C'est très, très flyé. Ouais. On mélange beaucoup de styles. Sur cet album-là, c'est encore comme d'habitude, mais... en pire. Mais même moi, j'ai de la difficulté. Fait qu'on va jouer dans certaines parties de jazz, certaines parties de funk, dans le rock and roll, dans le heavy metal, dans le black metal, parfois dans le death, l'atmosphérique. Atmosphérique au bout, c'est comme pété. Au départ, je pense que les membres du band sont assez éclatés aux autres. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Ouais. Ils ont des spectacles où la saxophonie, ça s'asperge de sang, puis c'est gros party. Gros party, oui. Ben, selon Elizabeth Battery, les bains de sang, ça garde la jeunesse, bon, n'est-ce pas? Ça donne une belle peau. C'est une belle peau de guignol, oui. Et on va conclure avec la formation allemande de Saddam et la pièce-titre de ce EP mini-album qui est paru le 23 novembre dernier, Partisan. Donc, de ce pas, conclusion... T'as envie de me dire que le mois de décembre a été pas terrible, finalement? Ben, c'est comme je disais un petit peu en début de présentation. C'était pas si bon que ça, mais... Ben, je te dirais que si 2019 est à l'image de 2018, on est vraiment mal parti. Hey, c'est drôle que tu me dises ça parce qu'il faut que j'en fasse une parenthèse. J'ai écouté l'émission de DJ Tower of Death vendredi dernier parce que lui aussi faisait sa conclusion de présentation de rétrospective 2018. Et lui semblait au contraire dire que l'année 2018 avait été fort généreuse. Ben, moi, comparativement à 2017, je suis pas sûr. Moi non plus, je suis pas sûr. Écoute, c'est sûr que si on joue dans les groupes majeurs, on n'a pas eu tant de choses que ça. Définitivement pas. C'est sûr que si tu joues juste dans les groupes majeurs. Ben, ça, c'est aux 4 ans. Faut que tu creuses. Faut que tu creuses un petit peu. Exactement. Quand tu creuses, tu réussis à trouver des choses intéressantes qui sont souvent indépendantes, qui sont moins connues, très underdog. Ben, pas moins bonnes pour autant. Mais. Ça a été une année d'archéologie, là. Il a fallu fouiller beaucoup, là. Ben, oui, effectivement. Puis regarde, le début de l'année, là, on est rendu au 22 janvier. Il y a un album qui s'est vraiment démarqué. Qu'on va présenter tantôt. Il y en a 2 ou 3 autres que j'ai pas eu le temps d'écouter encore. Ben, il y en a un autre que je présente la semaine prochaine. Oui, sorti, ben, c'est ça. C'est celui-là, entre autres. Ouais. Mais c'est le mois de janvier, comparativement, mettons, des années comme 2013 ou 2014, où est-ce que ça nous partait en bombe en début d'année. C'était comme bang, bang, bang. Ouais. Là, c'est slow. Là, c'est pas bang, bang, bang, c'est bang. Non, même pas. Si on regarde les sorties qui s'en viennent, il va falloir attendre la deuxième partie de février avant d'avoir des gros canons comme Candlemas et compagnie. Rolling Christ. C'est ça. Ben oui, tout à fait. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes formations qui sortent, mais tu sais, des albums, il en sort énormément. Pour ceux qui trippent, ils peuvent peut-être dire « Ah, il y en a plein d'albums qui sortent. » Ça veut pas dire que c'est tout bon. Non, définitivement pas. L'année dernière, on a eu un petit boom de sorties vers, je dirais, septembre, octobre, novembre. C'est ça. Vers la fin de l'année, on a eu un... C'est sûr, quelques petits intéressants, là. Mais il n'y a pas de... n'y a pas eu de... Il y a des années qui sont plus riches que ça. Oh, fait que moi, je, personnellement... 1983. OK, c'est tout un exemple. Mais personnellement, je ne dis pas que c'est une mauvaise année 2018 parce que les trucs qu'on a retenus, je pense qu'ils ont plus beaucoup. Il y a des très, très bons albums. Mais il fallait attendre. Il fallait attendre. Puis ça, ben, ça se bouscule dans, à pour dans un sens, je trouve ça correct comme ça. Ben, peut-être. Ça te donne l'impression que tu peux écouter les albums comme plus souvent. Tu as le temps de plus les savourer. Tu sens moins pressé d'écouter le prochain qui sort. Tu sais, moi, je me souviens, il y a des années où j'ai écouté quasiment 200 albums. Là. C'est beaucoup. Là. Puis en même temps. En même temps. Oui, c'est beaucoup. Non, 200 en même temps. Tu rip tout, tu trouves qu'il est bien, tu les mets tout en arrière de l'autre, puis go, tu fais plein. Eh bien, ça va peut-être donner de quoi d'intéressant. Toi qui aimes les groupes éclatés. Peut-être. Toujours est-il qu'on va y aller de ce pas avec Side et Sodom. Vous êtes à Réanimation. Let's go! We'll be right back. vous allez couper l'animation sur les ondes du 89.1 FM. Resurrection. Partisan. Sodom. Et la pièce-titre de ce mini-album, ou EP, si vous préférez, Partisan, qui comporte deux pièces originales, et je crois que c'est deux ou trois versions connues en spectacle, qui est paru le 23 novembre dernier sur Steam Hammer, avec celui qu'on pourrait qualifier de très vieux routier du speed trash, Uncle Angel Ripper. Tom Angel Ripper, qui, à la fin de 2018, a sacré son band The Wall pour reprendre des nouveaux. Ouais. Lui, il a décidé que ça me prend 109, puis let's go. Ben, il y avait des routiers qui viraient avec depuis 20 ans. Ben, puis, ouais, The Wall. C'est peut-être des fois des décisions discutables, mais bon. Et juste avant, nous avions ton choix de ben Tokyo. Oui. Sai, du Japon, avec la pièce Homo Homini Lupus, qui est paru sur l'album Here to Despair, qui est paru le 16 novembre. Album que moi-même, je trouve... ben, remarque, cette pièce-là, on dirait quand t'as début, ça me fait penser à du Iron Maiden. Ben oui, c'est un paquet de choses là-dedans. C'est sûr et certain que si vous n'êtes pas ouvert d'esprit musical, ben, écoutez pas ça, ça vaut vraiment pas la peine, parce qu'on nage dans un délire multi-musical. Ben, j'ai une question pour toi, moi. Oui. Le gros trou que tu vois dans ma tête, là, c'est-tu l'ouverture d'esprit, ça? Ben non, je pense que non, c'est de la fuite d'esprit. C'est de la fuite d'esprit. OK, c'est bon. Dernière partie de cette Retro Undead, ben c'est la chronique cinéma, bien sûr, de ce que j'ai retenu. Ah, tu fais ça, toi? Ben oui, ça fait trois semaines que je fais ça. Ah, là, OK. Ça, on va essayer que tu m'écoutes. C'est peut-être ça le trou aussi. De quel trou tu parles? Hein? cette semaine, ben, c'est les séries de télévision. J'en ai retenu quand même. C'est ce que j'ai retenu le plus dans tous mes choix. Ouais, toi, t'es comme moi pour les albums avec les séries télé. Fais un top 200. T'es pas plus de parler, toi. c'est pas un top 200. puis, évidemment, c'est pas nécessairement dans un ordre d'appréciation. Quoique, je dois dire que la première, Gotham, saison 4. Ben oui. C'est très fort. Ben oui. Très, très fort. Une série qui, bien sûr, raconte les aventures futures de Batman, n'est-ce pas? Oui. Et du commissaire Gordon, du pingouin. Il va y avoir une dernière saison, après ça, c'est fini. C'est une bonne chose. Oui. Très bonne chose. Finissons en beauté, en pleine gloire. Quelque chose qui est sorti peut-être plus vers la dernière partie de l'année, des Haunting of Hill House. T'as-tu vu ça? Et non. Série de Netflix, très bon, très originale. Série connotation horreur, évidemment. Mais très, je dirais, déroutante par moment. Donc, j'ai beaucoup aimé, très originale. Est-ce que t'as vu The Terror? Non plus. Il faut que tu vois ça, Sinistro, c'est trop génial. C'est les Anglais qui veulent conquérir l'Arctique en bateau, à voile, à l'époque, et qui savent pertinemment qu'ils vont se faire prendre dans les glaces pendant une année et qui ont prévu le coup pour pouvoir subsister. Mais il y a quelque chose qui subsiste sur la terre des glaces. Si, c'est le fun. C'est vraiment excellent. Et c'est pas un autre spoiler, là. En tout cas, si t'as un autre spoiler, il est vachement gros. C'est vraiment très, très bon, cette série-là de Terror. La saison 3 de Ash vs Evil Dead, qui est un truc complètement farfelu, éclaté. Et c'est terminé, ils n'ont pas renouvelé pour une autre saison. Ils n'auront pas renouvelé, malheureusement. Moi, personnellement, j'avais écouté deux ou trois épisodes de la première saison, j'ai vraiment pas accroché là-dessus. Moi, j'étais un fan d'Evil Dead, des films. C'est ça, du début, là, des films cultes. Là, donc, moi, je me suis beaucoup amusé à écouter ça. C'est très, très exagéré. Beaucoup d'hémoglobine, et ainsi de suite. Vraiment très bien. La huitième saison d'American Horror Story, Apocalypse, qui est selon moi la meilleure des films. C'est ce que j'ai eu à dire. Moi, j'avais écouté les trois ou quatre premières saisons. Ouais. J'ai arrêté parce qu'à un moment donné, on est tombé dans d'autres choses. Je vais toutes les réécouter à un moment donné, c'est sûr, sûr, sûr. Ils sont pas tous bonnes. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, ça vient comme... C'est pas mal tous les mêmes acteurs qui virent... C'est tout le temps les mêmes acteurs. Jusqu'à ce qu'il y a trois saisons où Jessica Lange a décidé de quitter le roster de l'équipe. Ben c'est elle qui faisait la grosse job là-dedans. Beaucoup, beaucoup. Pourtant, c'est vraiment un anti-rôle. Oui. Surtout dans les deux premières saisons, parce que c'est... Elle est vraiment bonne. Là, mais on la retrouve dans la huitième. OK. On la retrouve. C'est dans son rôle de bonne sœur. Elle était vraiment, vraiment, vraiment Écoute, il y a des saisons d'American Horror Story qui sont complètement démentes, mais celle-là, Apocalypse, elle est géniale parce qu'on fait une boucle avec toutes les autres. Ah, c'est bien. C'est vraiment bien. Ben, je vais finalement m'y remettre. Ah, ça vaut la peine. Chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Je pensais que c'était une émission pour adolescents ou adolescentes. Chilling Adventures of Sabrina, saison 1. Moi, j'ai pas embarqué là-dessus. Moi, j'ai trippé. Mais, ouais. ma conjointe, elle a écouté. Elle a écouté, puis je pense qu'elle a quand même aimé ça un ben peu. C'est violent, mon ami. Tu vois? Ah oui, c'est violent. Puis, écoute, c'est original. Ça a l'air, justement. C'est vraiment pas la petite Sabrina qui avait dans les Archies, là. C'est... Ben, en fait, c'est inspiré d'eux, mais inspiré d'eux. C'est pas mal plus sanglant que ce qu'il y avait dans les Archies. Parce que ça, dans le fond, c'est comme un spin-off de Riverdale. Riverdale, c'est vraiment pourri, là. Oui. C'est vraiment je l'ai pas écouté. Tout le monde va déconseiller d'écouter. Je l'ai pas écouté. Mais c'est incompréhensible. C'est ce que je me suis fait dire. Mais Chilling Adventures of Sabrina, c'est vraiment intéressant, c'est très original. Lost in Space, la première saison du remake. Ben, personnellement, les deux premiers épisodes, j'ai pas accroché, puis j'ai décidé d'arrêter ça là. Ah, ben là, c'est faut persister des fois. Ben, peut-être. Parce que moi, j'étais un fan de la série originale. J'étais un fan de la série originale des années 60. Donc, ça piquait énormément la curiosité, mais je te voudrais honnêtement que celle-là, le remake, j'ai trouvé très intéressant. J'ai hâte à la prochaine. Ben, le robot, il est cool. Là, ça. Ouais, oui, définitivement. Ouais. Better Call Saul, saison 4. Bien sûr. Ben, incontournable. Peut-être un petit peu moins épicé que les précédentes. Ben, on sent que ça s'en vient vers le Breaking Bad. Là. C'est exactement. Vraiment cool, c'est cool. Tout se met en place pour Breaking Bad. La saison 3 de Lucifer, c'est très léger, mais en même temps... Ben, ça m'a pas attiré, moi. J'ai même pas écouté rien pendant tout, mais les previews que j'avais vu de ça, je trouve que ça valait quétaine ou cheapo un peu, là. Ben, en fait, faut pas prendre ça au sérieux. Okay. C'est du easy listening de la télévision, si tu veux. Moi, c'est parce que j'aime beaucoup le personnage de Lucifer, qui est très... en fait, il est très, je sais pas quoi, mais il est tout sauf Lucifer. Okay. Il est vraiment éclaté, le personnage. Tom Ellis, qui s'appelle l'acteur, je trouve qu'il rend très, très bien le truc, mais c'est très léger. En même temps, c'est pas très, très drôle par moment. Ça se prend pas au sérieux. Bodyguard, une série britannique tout à fait surprenante. Je l'ai pas écouté encore. T'écoutes ça, puis tu te dis, ben, tout peut arriver dans le monde. Oh, oui, ça, tout ça peut a, arriver ça a dans le monde. C'est vraiment bien. House of Cards, saison 6. Eh oui. Dernière saison de la série. Robin Wright. Écœurant. C'est incroyable. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. C'est le fun parce qu'ils ont réussi à nous faire oublier Kevin Spacey. Pas mal, hein? Pas mal, tu sais. Oui. J'ai bien aimé le dénouement que. Comment est-ce qu'ils l'ont tué? C'est vraiment cool. Là, écoute, c'est une vraie bitch. Oh oui, oh oui. pire que son mari. On pensait que c'était un sale, mais non, c'est vraiment. Et la première partie de la cinquième saison de Vikings, ça a pris quand même pratiquement 10 mois. Ben moi, la première partie, la deuxième. Avant de limite, j'attends que la deuxième partie arrive. Moi, je n'étais pas capable d'attendre. Il y a tellement de séries que ma conjointe et moi, on s'est dit... On attend. Ah, ben écoute, là tu vois, là, on achève. Là. C'est dans quelques semaines que la dernière va être présentée. La dernière de la deuxième partie? Oui. OK. Oui. Le 22e épisode. Je pense à 22 quand même. Là. OK. Le dernier épisode va être présenté dans quelques semaines en direct là, sur Historia. Moi, j'ai écouté la première partie des 10... Je pense que c'est 10 ou 11 épisodes, je me rappelle plus. Là. J'ai vraiment trippé. Là. Cette première partie-là est de loin, jusqu'à présent, la meilleure saison de Vikings. OK. En espérant que le reste soit à la hauteur. Et voilà, c'est ce qui met un terme à cette Retro Undead version télévision et cinéma. La semaine prochaine, je vous parlerai de... On vous parlera. Oui. De Punisher, deuxième saison. Oui, effectivement. Oui. On devrait le finir sous peu. Là. Ben, c'est commencé vendredi. Pour ceux qui sont abonnés à Netflix. Ouais. Vendredi, on a eu une belle surprise. Ouais. Ça pouffe. Ça clôt bien semaine... Et ça boucle bien une fin de semaine. Ben ici. Oui, on est rendu tous les deux collectivement au 10e épisode, donc on vous en parlera la semaine prochaine. Première présentation de l'année. Ben on va aller en pause avant, si tu le permets. Ah oui, ben non, je le permets pas. D'accord, on va y aller pareil. Où ça? Fait quoi? Je m'en souviens plus. Moi non plus. Tu aimes la pizza et tu aimes économiser? Botan Pizza est l'endroit idéal pour combler les deux. Profite de nos 2-pour-1. On est à 10 minutes à pied de l'université. Profite également de notre salle à manger avec ta famille et tes amis. Botan Pizza, c'est juste le meilleur. Pour plus d'informations sur notre menu, consulte le restozone.ca. « Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard, mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. Audiomatique avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h. Fou de musique du monde. C'est fou, 89.1. On a oublié de demander à... Horace qu'est-ce qu'il pensait de notre rétrospective. Ouais, t'entendais, Horace? Ouais, ça valait pas une chenoute, hein? T'as bien il se fout de notre gueule, oh, oui. Il t'a rien dit que t'as oublié un paquet d'albums, puis... Que t'as oublié un paquet d'albums. Il est très polisson, je trouve. Très, très polisson. Ceci étant dit... Première présentation de 2019. Voilà, et c'est toi qui as l'honneur de l'affaire. Comme j'expliquais, ça vole assez bas depuis le début de l'année. Ben, pas beaucoup de choses intéressantes. Ouais, on n'a pas l'embarras du choix. On n'a pas l'embarras du choix. Effectivement, il y a quelques bons albums que j'ai découverts, dont je savais même pas. Il y a un nouvel album de Ewig Heim. Ewig Heim qui est... je connais pas. Ben, c'est le chanteur de Vision Bleak. Ah oui? C'est un projet connexe. C'est dans la même veine. Fait que j'ai hâte de l'écouter. Ah, d'accord. Puis Malevolent Creation, qui en avait oui, un. Oui, oui, qui est paru, Malevolent Creation, c'est le 18, je crois, vendredi dernier. Il y a quelques trucs aussi, là, dans le synth-pop, mais ça n'a pas rapport avec Réanimation. Ben, moins. Ben, il y a un album qui a... Je sais pas si on pourrait dire qu'il va fracasser des gros scores, mais c'est quand même la plus grosse sortie de l'année jusqu'à maintenant. Il faut dire une chose, Sinistro, c'est que, tu sais, on parlait de Modern Life Death Cult, que il y a peut-être pas tant de monde que ça qui connaît ça ici en Amérique du Nord, du moins au Québec, puis qu'on est... Je sais qu'on est trois fans invétérés du band. Ouais. Toi, moi et ma blonde. Legion of the Damned. C'est pas ça que je voulais dire. Okay. C'est un peu semblable, hein? Ben, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, surtout depuis le départ de Richard Ebiche, le guitariste principal compositeur, qui a décidé de mouchetonner, puis je sac mon camp. Fait que depuis les deux derniers albums, ben, c'est Twang Van Heel qui est guitariste. Et on sent que le groupe s'essouffle. C'est un peu ce que j'ai... Beaucoup moins original que... Parce que là, faut dire que Legion of the Damned, ça date pas d'hier. Là. Non. Parce qu'avant de devenir Legion of the Damned, il avait fait quand même 5 ou 6 albums sous le nom de Occult. Mm-hmm. Fait que le groupe existe depuis au moins 1992-93. Ah, c'est des routiers de... C'est un vieux band. Là. Oh, oui. À un moment donné, ils ont décidé de changer de nom de band. Puis le style s'est réorienté un peu plus vers un death thrash... On a eu un 4-5 albums vraiment, vraiment très, très bons. Ben oui. Depuis les deux derniers, c'est Ravenous Plague et celui-là qui est... On sent qu'il y a une petite saveur qui diminue. Ben, ça diminue parce que le principal intéressé... Le principal cuisinier n'est plus là. C'est ça, sa sauce n'est plus là, ses épices sont plus là. Ben oui. Mais c'est pas grave, moi c'est un album que j'ai quand même... Tu as donné une carte de combien, toi? Je pense que c'est 8.5. 8.5? Oui. Ah oui, quand même, t'étais pas mal généreux. J'étais quand même popé, mais je l'ai quand même aimé, là, tu sais. Moins que les premiers albums, bien sûr. C'est Cult of the Dead, ça reste quand même le meilleur. Ouais. Là. Ouais, ouais. Mais Slaves of the Shadow Realm, c'est quand même un très bon album pour les amateurs. Si vous connaissez pas Legion of the Damned, c'est un bon album pour commencer, mais reculer en arrière, par exemple. Il faut définitivement. Vous allez vraiment comme pogner de quoi. J'ai choisi 3 pièces, donc il n'y a pas vraiment de pièces-titres. Parce qu'avec le titre, ils ont fait comme 2 pièces. Ouais. Qui est Slaves of the Southern Cross, Shadow Realm of the Demonic Mind. Ben oui. Puis on va terminer avec The Widow's Breed, qui est le premier single qui est sorti de l'album. Ce qui est un peu bizarre avec Legend of the Damned, vous allez, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez constater qu'il y a des structures musicales un peu bizarres. C'est vrai. C'est des bouts, c'est in your face. Tu sais, t'as des tunes qui vont commencer, ils chantent en partant. Ouais. Ça, c'est comme un peu déroutant c'est, au début. C'est surprenant, ouais. C'est vraiment surprenant, mais avec une coupe des coupes, on fait fi de ça. Hey, c'est un beau mot, ça. On fait fi. Oui. Alors, allons-y tout de suite. Legend of the Damned avec le nouvel album qui s'intitule Slaves of the Shadow Realm, qui est paru le 4 janvier sur Napalm Records. Let's go. Go. Power, Lord of death, carnal mass.

20h46, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show en compagnie de ce Sinistros et de ce Docteur. Ta présentation, première de l'année 2019. Ben oui, la première de l'année, effectivement. Legend of the Damned, et ce ne sera pas la moindre, parce qu'il y a des très bons albums qui s'en viennent. Il y a des affaires assez cool à surveiller en février, le nouvel album de Candlemass. Et celui de Rotting Christ, le 15. Ouais, effectivement. Fait que Slaves of the Shadow Realm, qui est paru le 4 janvier 2019, bien évidemment, parce que la rétro Undead est derrière nous. Depuis 15 minutes. Fait que 2018, c'est enterré, c'est Return to the Grave. Ashes to Ashes, Dust to Dust. C'est cela. On chante du Venom. Alors, on a entendu tour à tour premier single de l'album The Widow's Breed. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a des clips et des lyric vidéoclips. On a entendu également Shadow Realm of the Demonic Mind ainsi que Slaves of the Southern Cross qui commence, ma foi, assez drastiquement. Un petit coup de trémolo et on part tout le monde ensemble. It's in your face. Ben moi, je suis obligé de te dire, Sinistros, que je lui ai donné une note beaucoup plus pauvre que la tienne. Ouais, mais tu donnes tout le temps des notes beaucoup plus pauvres que les miennes. On dirait que c'est... Tu es peut-être plus riche que moi. On dirait que c'est un prérequis. Sinistros a donné 9, moi, m'en donne 6. Non, je suis impartial là-dessus. Je lis pas ta chronique avant de faire la mienne. Ah, OK. Je la lis après. Après, je la corrige. Quand que je donne 5, ben voyons, Sinistros, c'est excellent. Ça vaut au moins 9,9. Je donne pas 9,9. Des 9,5 ou des 10. Et 6,5. Ben. Sur 20. Sur 10. Non. En fait, t'en as dit sur 7. Parce que moi, définitivement, j'ai pas trouvé ça un mauvais album, mais je trouve que, comme on disait tout à l'heure, ça a perdu un peu de magie, un peu de saveur. Oui, ben regarde, tu veux... Je pense que ça se confond un peu dans ce qui se fait. J'ai ma nouvelle grille de... Oui, là, il est rendu au 10e de point. Là. Non, on n'est pas rendu au 10e de point. J'ai enlevé le volet ambiance. Je l'ai rajouté au volet composition. OK. Et j'ai rajouté un volet... appréciation personnelle. Ce qui en soi est essentiel. Ce qui en soi est très, très essentiel puis qui va probablement équilibrer un peu les choses. Mais donc, peut-être les choses, mais pas toi. Tu sais, il peut y avoir des albums qui sont très, très bien enregistrés, qui sont très, très bien faits. Mais c'est pourri! Grand-mère, t'es de retour en 2019! Non, je veux rien savoir. Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Quand c'est subjectif, hein, comme je le dis toujours, d'une personne à l'autre, ce qui est bon pour un peut être moins bon pour l'autre et vice-versa. Ben oui, effectivement. J'ai pas trouvé ça mauvais, mais tu sais, il reste que dans mon système de cotation, dans mon appréciation, qui est très importante, 6,5, c'est pas un désastre, c'est juste moyen. Là. C'est juste, ça passe OK, mais ça se peut que dans 2 mois, je le réécoute pas trop longtemps. Là, à 6,5, moi, c'est... C'est les poubelles direct. Pas du tout. C'est fini. Ouais. Moi, ça prend la note de passage de 75. C'est toi qui es dur. Ben non, je suis pas dur. Ben oui. Ben non. Ben oui, t'es un vieux bâton sec. Ah, je sais. Vendredi prochain. Mardi prochain, tant qu'à moi, je vous présenterai le 13e album de la formation floridienne Malevolent Creation, The 13 Beast, que j'ai bien aimé. J'ai pas écouté encore. Nouveau chanteur. OK. L'autre décédé. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, effectivement. Et nous aurons, bien sûr, la semaine prochaine, le retour des traditionnels segments, c'est-à-dire que comme nous sommes la dernière émission du mois, c'est les albums marquants. Ben, ce sera pas le 29, c'est vrai, c'est pas la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Ben non, c'est le 29, la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben oui. La semaine prochaine. Oui, c'est la dernière émission du mois, la semaine prochaine. Ah oui, t'as raison. Ben oui. Et c'est les albums marquants. C'est très difficile, hein? Ben oui, c'est... ça a l'air difficile. C'est parce que je suis tout mêlé, là. Normalement, il est censé avoir 5 émissions, là, dans... C'est pas toujours le cas, Sinistro. Il y a des mois de 4 semaines. Mais oui, mais là, c'est, on était censé en avoir 5 cette semaine, c'est un mois-ci. 5 émissions cette semaine? Oui. Oui, boy, OK. C'est une prochaine album marquant. Sinistro, Iron Maiden ou avec Peace of Mind. Et en ce qui me concerne, Fear Factory et Obsolete. Ben, c'est très bon. Excellent choix. Merci. Ah oui, ça fait plaisir. Il faut que tu dises pareil pour toi? Non. Parce que je le penserai pas. Je sais. Donc, mardi prochain, l'émission à ne pas manquer, bien sûr. Avant de conclure, évidemment, ce vendredi, n'oubliez pas, pour les vrais amateurs de vrai rock, notre ami le Rockmaster Alain Lefebvre et Rock Classique, avec la deuxième partie du spécial 1969. J'y participerai. Une année très importante oui, dans le rock. Oui, c'est comme 1983. Effectivement. Et n'oubliez pas qu'à tous les deux vendredis, c'est l'émission Subversion avec notre ami DJ Tower of Death. Ce n'est pas ce vendredi, ce sera vendredi prochain. Mais vous pouvez retrouver les rediffusions, ou balado-diffusions si vous préférez, sur le site même de cifou.ca dans la section... Nécrologie. Non, allez voir la programmation, c'est rediffusé, c'est fou, tous les vendredis, tout de suite après la rediffusion de Réanimation. On cesse avec un dernier bloc qui est de mon choix, du moins en quelques parties. On devrait entendre Exodus avec la pièce Black 13, avec ton meilleur, Steve Susan, tiré de Blood and Blood Out, le 11e album et dernier en titre de la formation californienne qui est paru le 10 octobre 2014. Et on devrait entendre Lamb of God de Virginie avec la pièce Embers tirée de Seven Storm Hondrang qui est paru le 24 juillet 2015 sur Nuclear Blast. Et d'ici là... Ben, allez tous vous faire foutre. See you. Said I was crazy. Tomorrow we'll see about that.